un été d'écrivain. Écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures. Pour cette dernière semaine d'un été d'écrivain, une émission spéciale consacrée à Franz Hessel et son fils Stéphane. Toute cette semaine, Bernard Pingot s'entretient avec Stéphane Hessel, une émission enregistrée en 1988. À voix nue. Hommage à Stéphane Hessel, décédé ce 27 février 2013. C'était en mai 1988, Bernard Pingot rencontrait ce grand défenseur des droits de l'homme. Stéphane Hessel, vous avez, pendant une bonne partie de votre longue carrière, occupé des postes de fonctionnaire international, mais vous avez aussi, à d'autres périodes, été un fonctionnaire français, travaillant directement pour l'État français, mais orienté par vos intérêts, votre expérience, vers l'aspect décolonisation et coopération de ce grand problème général qu'est le problème du développement. Alors c'est le thème que je voudrais que nous abordions ensemble aujourd'hui. Avec plaisir, d'autant que les deux termes que vous venez d'employer, d'une part les relations entre le Nord et le Sud, et d'autre part les relations entre les anciennes puissances coloniales et les nouveaux États, ont été effectivement, je peux bien le dire, les deux thèmes qui m'ont le plus intéressé, le plus mobilisé au cours des années où j'ai été actif dans la vie professionnelle et dans la vie internationale. J'ai eu beaucoup de chance, là encore, je parle toujours de ma chance, j'ai eu la chance de me trouver tout de suite au moment où la paix en Indochine avait été faite par Pierre Mendès France, de me trouver appelé à travailler à Saïgon auprès d'un très grand ambassadeur. C'est Henri Hoppenot. C'était un grand ami de Saint John Perse. Voilà mon premier poste. Je pars donc à un moment d'assez sérieuse crise de ma vie privée. Je me trouve assez content d'être dans un contexte tout à fait nouveau, qui était Saïgon. Est-ce que vous pouvez situer exactement, pour les auditeurs, le moment de ce départ? Se passe quelques mois après la chute du cabinet Mendès France, n'est-ce pas? Très brièvement après, nous sommes tous désemparés. Il faut dire que c'est une période dure pour tous ceux qui avaient été passionnés par l'expérience Mendès France. On ne sait plus trop où on en est, et c'est en juillet 55, vous voyez, quelques mois, 4 mois après la chute du cabinet Mendès France, que Hoppenot me demande de l'accompagner comme premier conseiller à l'ambassade de France, première ambassade de France en Indochine. Et avec une mission assez particulière, puisqu'on avait promis, n'est-ce pas, qu'il y aurait des élections dans tout le pays. Et le rôle de l'ambassadeur Hoppenot était de maintenir avec ce personnage étonnant, Ngo Dinh Diem, le président du Vietnam nationaliste, des relations telles qu'il accepterait si possible que l'on procède à des élections. C'était une mission impossible. Oui, car il n'en voulait pas du tout. Il n'en voulait absolument pas, et les Américains en voulaient encore moins que lui. Et je me suis trouvé donc une première fois dans cette situation très classique, où une ancienne puissance coloniale, la France, essaye de maintenir des liens de coopération, mais une autre puissance impériale, les États-Unis, essaye très fortement de l'en empêcher. Nous avions avec nos collègues américains, l'ambassadeur Reinhardt et ses collaborateurs, des relations parfaitement courtoises et parfaitement perfides. La courtoisie était de rigueur, on se voyait, on faisait des cocktails, on se trouvait charmant, ce Reinhardt, quel homme délicieux, ce Hoppenot, quel homme de grande culture, mais naturellement, on faisait tout pour écarter l'autre. Nous pensions qu'il était bon pour le Vietnam Sud de ne pas être entre les mains des Américains et eux pensaient qu'il était grand temps que les Français s'en aillent. Définitivement. Définitivement. Mais à l'époque où j'y étais, l'intérêt de notre mission était, malgré la volonté américaine et malgré la forte réticence de Ngo Dinh-Diem, qui était un anti-français caractérisé, de maintenir des lycées, de maintenir un peu de présence culturelle française, de permettre le départ graduel des généraux et des colonels et des amiraux et des capitaines de vaisseaux, qui étaient très nombreux quand nous sommes arrivés. Ma première vision de l'aérodrome de Tan Son Nhut à Saïgon, c'était une armée d'étoiles et de galons. Et Opno, qui était arrivé avec moi, a jeté le regard du vieux diplomate et a dit « Tout ça, il faut que ça parte ». Et effectivement, ils sont tous partis, très vite et très bien, et ça s'est passé aussi bien que possible. Mais notre problème, c'était de garder au moins quelques implantations domaniales. Nous aurions bien aimé garder une belle ambassade. Mais naturellement, les Vietnamiens voulaient tout récupérer. Et la négociation a été essentiellement une négociation domaniale et une négociation culturelle. Ce sont les deux négociations auxquelles j'ai été associé. Il y avait des Français qui avaient une position économique assez forte encore en ce moment-là. Les terres rouges. Qui partaient. Et qui n'avaient pas tellement envie de partir. Vous savez, c'est au fond ça l'expérience décolonisation-coopération. Ceux qui pourraient maintenir le lien, et souvent les grandes entreprises, sont inquiètes parce qu'elles ne se sentent plus vraiment soutenues. Ceux qui pourraient venir pour prendre la relève hésitent à venir. Il faut donc, et c'est le rôle de la diplomatie dans ces cas-là, inspirer confiance aux Français en leur disant « Vous verrez, ça tiendra ». Et inspirer confiance aux interlocuteurs en leur disant « Mais ces Français, vous en avez besoin ». À Saïgon, ce n'était pas facile. Mais c'était très passionnant et j'ai eu des collègues merveilleux comme Jean-Jacques de Bresson, qui était à ce moment-là notre conseiller juridique. Et nous faisions des petites chansons qui ne plaisaient pas tellement à l'ambassadeur, parce que nous y mettions un peu en boîte ce départ des Français qui voulaient s'accrocher encore, garder encore quelques petites implantations. Ça nous amusait beaucoup. Alors vous êtes resté en Indochine 2 ans. Un peu moins. Un an et demi. Et pourquoi êtes-vous parti là ? Parce que l'ambassadeur lui-même est revenu ou... L'ambassadeur lui-même est parti. Opno n'est resté finalement qu'un an. Et ensuite est venu Paillard. Et Paillard avait accepté l'idée que l'équipe se renouvelait. Et je n'avais pas tellement le désir de rester dans une mission qui s'avérait, il faut le dire, impossible. Et je suis revenu et c'est tout de suite à ce moment-là que Roger Sédou, qui était alors directeur général des affaires culturelles et techniques du Quai d'Orsay, m'a demandé de prendre la tête d'un service de coopération technique. Il s'agissait de fournir des experts, administrateurs, experts et autres, aux États nouvellement indépendants et notamment à la Tunisie et au Maroc. Ça a été donc ma deuxième expérience d'une coopération décolonisation, décolonisation-coopération, comme on voudra. Après Saïgon, ça a été la Tunisie et le Maroc. Oui, c'est plutôt le versant coopération qui apparaît à ce moment-là. Et c'est au fond, c'est pratiquement le début de cette politique de coopération. Le Maroc devient indépendant en 56 et la Tunisie en 57 passe tout à fait à l'indépendance après ce statut transitoire. Et tout de suite, il faut trouver là aussi un contact avec ces pays et un contact de coopération. Coopération économique, bien sûr, militaire, bien sûr, ça, ce n'était pas mon ressort, mais coopération culturelle et technique des enseignants. Vous savez que la France est le pays qui a fourni le plus grand nombre d'enseignants au tiers-monde, incomparablement plus que n'importe quel autre. Pourquoi ? Parce que notre politique de colonisation était une politique de colonisation par l'enseignement, très différente de celle des Anglais. Nous avions donc partout un très grand nombre d'enseignants. Et lorsque ces pays sont devenus indépendants, leur premier drame a été qu'ils n'avaient pas formé suffisamment d'enseignants nationaux. Et ils ont donc été obligés de s'en remettre encore pendant de nombreuses années à la coopération de la France pour assurer leur système scolaire et universitaire. Est-ce que c'est pas vrai? Le caractère propre de la présence française en Tunisie, n'était-il pas d'avoir développé une certaine bourgeoisie tunisienne et des cadres, ce qui n'était pas le cas au Maroc, je crois. Tout à fait. Il y a de grandes différences entre le Maroc, la Tunisie et puis l'Algérie, dont nous allons parler, bien entendu. Dans chacun de ces pays, la situation est un peu différente. Mais en gros, en Tunisie, au Maroc surtout, et en Algérie, le nombre des Français coopérants qui étaient dans l'enseignement était extraordinairement élevé. Plus de 22 000 enseignants dans les trois pays du Maghreb au moment de leur accession à l'indépendance. 22 000, oui. Vous voyez, c'est une armée. Oui. Et c'est aussi la caractéristique de cette relation qui s'est maintenue. La relation culturelle s'est maintenue. Ce sont des pays qui, même au moment de leurs crises les plus aiguës, celle de l'Algérie a été extraordinairement dramatique et brutale, ils ont gardé l'intérêt pour la culture française. Vous parliez de la Tunisie. La Tunisie est en effet probablement des trois pays du Maghreb celui qui avait déjà le mieux concilié une culture française et une culture arabe. C'est vraiment un pays où l'élite bourgeoise est à la fois, parle bien l'arabe, ce n'est pas le cas partout, et parle bien le français. Le collège Sadiki est l'exemple même de cette coexistence des deux cultures. Et c'était donc plus facile d'élaborer, au-delà de l'indépendance, un système biculturel. Ailleurs, c'était beaucoup plus difficile. Oui, parce que vous dites enseignement, mais qui dit enseignement dit langue française. En même temps, c'est-à-dire que le maintien de la présence française par la langue, ce qu'on appelle aujourd'hui la francophonie, jouait un rôle tout à fait décisif dans cette affaire. Naturellement, c'est l'effort que nous avons fait les uns et les autres, mais naturellement, on n'a pas besoin d'enseignants seulement pour maintenir une structure de langue et de type français. On a besoin d'agronomes, on a besoin de vétérinaires, on a besoin d'administrateurs de la santé et de toute une gamme d'expertise et de fonctionnaires financiers et autres. Mais quelques années plus tard, en 59, j'ai été affecté comme directeur au ministère de l'Éducation nationale et là, j'ai eu la responsabilité du culturel. Ça a été d'ailleurs également un des postes les plus intéressants de ma carrière. Mais... Alors attendez, précisons, parce que là j'ai un doute. Votre empire, si j'ose employer cette expression, qui ne cadre plus avec la décolonisation, votre domaine, c'était les anciens pays colonisés ou c'était tout l'étranger ? Le monde entier. Le monde entier. Monde entier était suspendu à mon action, c'est-à-dire que j'avais la responsabilité au sein du ministère de l'Éducation nationale, qui n'est pas le ministère des Affaires étrangères, mais qui doit fournir les outils de la politique étrangère quand ces outils proviennent de l'éducation nationale, de l'université. J'étais donc dans ce poste où j'avais comme principale collaboratrice une femme extraordinaire qui est Jeanne Laurent, l'ancienne directrice des théâtres, et qui était devenue sous-directeur dans cette direction des relations avec le monde extérieur. Avec la Belgique, nous avions des commissions mixtes merveilleuses où on s'efforçait de ne pas écouter le flamand, mais de n'écouter que le français. Avec l'Angleterre, où nous faisions ce qu'il fallait pour que la maison française d'Oxford soit soutenue par quelqu'un de sérieux. Et naturellement, en très grande partie, les anciens territoires d'outre-mer devenus indépendants. En 59, nous sommes déjà dans la communauté, n'est-ce pas, non pas la communauté européenne, mais la communauté franco-africaine, qui n'a duré qu'un an. Mais pendant cette année, là encore, c'est quand même intéressant de le rappeler, l'enseignement supérieur était compétence communautaire. La France a gardé pendant 2 ans la responsabilité des universités en Afrique. Ça n'a pas duré. Avec l'indépendance totale, tous ces pays sont sortis de la communauté. La communauté a disparu en 1961. Mais nous continuions à aller au Cameroun, au Sénégal et ailleurs et à demander à nos interlocuteurs comment ils voyaient l'avenir de leur université et quel concours nous, Éducation nationale, pouvions leur apporter pour cet effort. C'est ça. C'est vous qui étiez chargé, en quelque sorte, de recruter les experts d'enseignement pour tous les pays étrangers et par priorité, ne serait-ce qu'en raison du nombre, pour les pays anciennement colonisés. Voilà, en gros, c'était ça. Donc, c'était aussi, puisque nous parlons décolonisation, c'était bien aussi cette même composante de ma carrière. Il s'agissait là encore de reconnaître formellement et humainement et politiquement l'indépendance de ces nouveaux pays. Pas facile. Et de les reconnaître et de leur donner à eux-mêmes le sentiment que désormais c'était leur responsabilité. Et que quand ils voulaient à tout prix que les diplômes de l'université de Yaoundé ou de l'université de Cotonou soient reconnus dans l'université française, ils faisaient une erreur. Et d'ailleurs les Camerounais ont été les premiers à le bien sentir et à le bien reconnaître. Mais le président Senghor a voulu jusqu'au bout que tout ce qui se passe à Dakar soit exactement identique à ce qui se passe à Marseille, à Lyon ou à Paris. Alors la décolonisation n'est pas seulement un effort de la part des pays ex-colonisés pour se détacher de l'ancienne métropole, c'est aussi, et ça doit être aussi, un effort de l'ancienne métropole pour autonomiser ses partenaires. Voilà ce qui m'a beaucoup intéressé pendant cette période. Alors si nous passions maintenant à l'Algérie, où vous êtes parti quelques années plus tard, dans la suite même du travail que vous veniez de faire. Voilà. À l'éducation nationale, c'est en 64. En 64, mais vous aviez déjà eu, je crois, des rapports avec l'Algérie au moment de l'indépendance. Oui, et justement, enfin, disons que naturellement, comme beaucoup de mes amis, le drame algérien avait été pour moi central dans mes réflexions et dans ma vie. J'avais milité, comme beaucoup d'autres, pour qu'on sorte de cette affreuse situation et qu'on aille à l'indépendance le plus vite possible. Arrivé à l'indépendance, je me trouve au ministère de l'Éducation nationale et il faut donc faire la rentrée scolaire et universitaire 1962. Dans une Algérie indépendante, dans un état de complexité politique, sociologique et culturelle énorme, avec une revendication arabophone tout à fait naturelle, nationaliste très forte, et en même temps un besoin énorme d'enseignants français. J'ai eu la chance d'avoir un vieil ami, camarade de l'école normale supérieure, André Mandouze, qui a été le premier recteur de l'université d'Alger, appelé par les Algériens, qui trouvaient que c'était quelqu'un de magnifique. Chaque fois que je me promenais à Alger et que j'avais une difficulté quelconque, il suffisait que je dise « je suis un ami d'André Mandouze » pour qu'on me dise « ah mais alors, venez par ici, soyez le bienvenu ». Il avait un prestige fantastique. Mais les Français n'étaient pas très nombreux à avoir ce genre de prestige. Et donc notre effort de la rentrée 62 a été double. À la fois récupérer dans l'enseignement français les très nombreux enseignants français qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas rester dans une Algérie indépendante. C'était quand même pas évident que tous les Français qui avaient été là comme colonisateurs puissent y rester comme coopérants et essayer de trouver une relève. Nous y avons réussi. C'est peut-être une des choses dont je suis le plus fier, et mauvais mot, mais content, c'est d'avoir réussi la rentrée 62 à Alger. Il devait y avoir à l'époque une masse de professeurs français dans l'Algérie d'avant l'indépendance. Environ 15 000. 15 000. Et là-dessus, quelle proportion a accepté de rester ? À peu près la moitié. La moitié. Et nous avons réussi à recruter à peu près un tiers. Donc il y en a eu un peu moins, naturellement. Mais la relève des Algériens, qui aurait été la chose naturelle, était totalement impossible. Ils n'avaient pas pu former. Est-ce qu'il n'y avait pas, à ce moment-là, un refus de la langue française et de l'enseignement français dans l'État nouvellement indépendant ? Oui et non. C'est une des... Vous savez, l'Algérie, c'est un cas extraordinaire. Moi, je le trouve passionnant. Les Algériens sont, au fond, tous extraordinairement proches par leur mentalité, leur façon de concevoir la vie, très proches de nous. Ce sont des Méditerranéens francisés et donc ils réagissent comme nous, s'intéressent passionnément à la politique française. Ils savent beaucoup, savaient beaucoup mieux que moi quand j'étais là-bas qui était le candidat du Parti Socialiste qui avait une chance d'être battu ou pas par le Parti Communiste dans une ville de France, alors qu'il ne savait pas toujours la même chose sur l'Algérie. D'ailleurs, ça n'existait pas encore à l'époque. Et en même temps, les Algériens étaient par la force de l'histoire braqués contre la France. Et un politicien algérien qui aurait dit « moi j'aime la France », sa carrière politique était fichue. Il fallait donc jouer sur cette extraordinaire ambiguïté d'un pays et d'une population extraordinairement généreuse à l'égard de la France, dans le détail. Les villages kabyles où on allait, dont une bonne partie de la population avait été massacrée par quelques troupes françaises, recevaient les Français qui arrivaient de France avec une extraordinaire gentillesse. Donc, côté positif, cela. Côté négatif, l'Algérie voulait s'affirmer indépendante avec une vigueur et une force que n'ont connu ni la Tunisie ni le Maroc. Et le travail n'était donc évidemment pas facile. Alors, vous savez que je suis maintenant président de l'association France-Algérie qui a été créée précisément peu après l'indépendance par Edmond Michelet et qu'à ce titre, je continue à avoir des responsabilités dans le rapprochement entre ces deux pays. À mon avis, c'est capital. Je crois que c'est très important pour l'Algérie. Je crois qu'une Algérie qui aurait perdu l'amitié de la France et les rapports privilégiés avec la France auraient beaucoup perdu, mais je crois que c'est aussi capital pour nous, capital pour la France, car la France méditerranéenne n'existe que sur la base de relations tout à fait particulières avec l'Algérie. Alors vous êtes arrivé en Algérie un peu plus tard, vous êtes resté encore 2 ans, je crois, à la direction de l'éducation nationale. C'est d'ailleurs l'un des rares postes dans ma carrière que j'ai vraiment sollicité, que j'ai essayé d'avoir, et ça n'était pas tellement facile, puisque j'étais déjà directeur et que le poste de conseiller à la coopération technique, subordonné au conseiller culturel qui était à l'époque Philippe Robérol, était un peu au-dessous de ce que j'aurais dû normalement demander. Mais mon désir de me rendre utile en Algérie et de contribuer à une meilleure coopération entre les deux pays l'a fortement emporté et j'en suis très heureux car j'ai passé 5 années tout à fait exceptionnelles d'intérêt en Algérie. Vous avez connu donc l'époque de Ben Bella ? Oui. J'étais là, j'étais à Alger au moment où, pendant une nuit, on a vu des chars à Alger que l'on prenait pour la réalisation de ce film sur la bataille d'Alger qui était en train de tourner Pontecorvo. Le lendemain matin, on s'est aperçu que Ben Bella avait été déposé et que une voix assez sombre sortant d'un haut-parleur. C'était Boumediene, on ne voyait pas sa tête, mais on entendait sa voix. C'était impressionnant. Et c'est, il faut le dire, une des modifications, un des coups d'État qui se sont faits avec le moins d'effusion de sang. Il n'y a pratiquement plus. Vous avez assisté au premier pas du développement, du décollage, pour reprendre le mot que nous utilisions. Et notamment, oui, notamment, j'étais là et je participais naturellement, comme tous mes collègues de l'ambassade, à la grande négociation pétrolière, menée merveilleusement par Olivier Wormser, qui a été un grand négociateur avec l'Algérie. Et les Algériens me disaient après coup, nous sommes tout à fait persuadés qu'Olivier Wormser nous a roulé dans la farine, mais il l'a fait avec tant de distinction que nous ne pouvons vraiment que lui en être reconnaissants. C'est très exagéré, car en réalité, les Algériens se défendaient très bien, et je pense qu'ils ont beaucoup obtenu de la France. Alors, vous êtes resté en Algérie combien de temps, là ? 5 ans, vous dites. 5 ans. Donc, Jusqu'en 69. Avant les événements de 68, vous étiez là-bas. J'étais là-bas. Ce que j'ai vécu, donc, dans cette phase-là de la décolonisation-coopération algérienne, c'est surtout une bonne connaissance de ce pays, car nous avions encore des coopérants un peu partout dans le pays, comme vous le savez, vous êtes venu à cette époque, il y en avait un peu partout, et mon rôle était d'aller les voir, de parler avec eux, de parler avec les autorités algériennes correspondantes, pour que cette coopération soit aussi productive que possible. Et après 69, votre dernier poste dans ce secteur, pas le dernier dans votre carrière, mais dans le domaine de la coopération, c'est un poste que vous avez rempli auprès de M. Ablin, qui était ministre de la coopération. Cinq ans plus tard, en 1974, je me trouvais assez peu occupé, étant rentré donc de New York. Vous étiez retourné à l'ONU, c'est ça. Retourné à l'ONU. Et quand j'ai vu que Pierre Abelin était ministre, là encore, je lui ai envoyé un petit mot. Je le connaissais puisqu'il avait été le successeur de Pierre Mendès France comme représentant de la France au Conseil économique et social, oui, à l'Écosoc. Et je lui ai fait en somme des offres de services qu'il a très, très immédiatement acceptées. Et je suis devenu, pendant un peu plus de 18 mois, chargé de mission à son cabinet, où j'ai pu participer, là encore, coopération, plus que décolonisation cette fois, au rapport Abelin, à la rédaction du rapport Abelin, qui reste, à mon avis, un des bons textes dans lequel on analyse le pour et le contre des procédures françaises de coopération. Ce rapport avait d'ailleurs été fondé sur une autre de mes très intéressantes expériences, c'est celle des missions de dialogue. Nous avions été envoyés dans les différents pays d'Afrique au sud du Sahara, ça c'est en 1974-75, et nous y sommes envoyés pour interroger les dirigeants sur ce qu'ils pensaient vraiment de la coopération de la France. Les ambassadeurs en poste nous disaient « ils ne vous diront jamais rien parce qu'ils sont beaucoup trop polis, ils vous diront que tout va bien », mais heureusement j'avais une équipe assez astucieuse qui savait poser les bonnes questions et au bout de 2 heures de conversation un peu formelle, on arrivait à faire dire à nos interlocuteurs tout le mal qu'ils pensaient d'un grand nombre des procédures françaises de coopération. Et le rapport Abelin s'était forcé de montrer comment on pouvait sortir de ces défauts pour entrer dans une coopération responsable. Il a eu une suite, ce rapport ? Ah oui, comme tous les rapports de ce genre, le rapport Jeanneney, le rapport Gorce, le rapport Abelin, il y a une suite très intéressante dans les tiroirs des différents ministères. Quant à l'application proprement dite, nous attendons toujours, mais ça viendra. Ça viendra. Votre longue expérience de la coopération et de la décolonisation vous donne-t-elle une... Enfin, quelle est votre opinion, vous, sur cette francophonie, sur l'avenir de la francophonie, ou son maintien, en tout cas ? N'est-ce pas ? Je crois qu'il est d'une part tout à fait naturel que des pays qui ont une langue en commun ou qui utilisent largement une langue commune, une même langue, et des relations dans le domaine culturel, et des relations dans le domaine même des amitiés, des mentalités, tout cela est naturel. Et je pense qu'il est tout à fait légitime que nous consacrions quelque effort à garder des contacts un peu privilégiés avec le Québec, avec d'autres provinces francophones du Canada, avec le Maghreb, l'Algérie s'étant toujours considérée comme ne faisant pas partie de la francophonie, mais étant quand même intéressée marginalement avec l'Afrique au sud du Sahara. Mais alors, où je suis beaucoup plus réservé, c'est de vouloir transformer cela en une espèce de Commonwealth à la française, dans lequel il y aurait un primus inter pares qui serait la France, et où on demanderait aux autres de nous apporter le concours de leur voix et de leur appui pour que nous restions la grande puissance que nous souhaitons être. Je crois que pour être cette grande puissance, c'est de notre industrie, de notre entreprise, de notre recherche scientifique, de notre production et création culturelle que nous devons profiter. Et si elle est assez forte, il y aura alors non pas francophonie, mais quelque chose de beaucoup plus important, l'intérêt pour la France. La francophilie. La francophilie. La France peut être le nombril. Le nombril culturel d'une étendue qui n'est pas tellement spatiale, mais plutôt spirituelle, et dans laquelle on se dit, tiens oui, c'est peut-être de Paris que viendra, ou de la France, que viendra la meilleure solution de tel ou tel problème. Jouer ce rôle, c'est à nous de le jouer, et pas pour cela de mobiliser les autres, mais de leur offrir quelque chose qui les intéresse suffisamment pour qu'ils y viennent. C'était À Voix Nue, hommage à Stéphane Hessel, l'inspirateur du mouvement des indignés décédé le 27 février 2013 et que Bernard Pingot avait rencontré en mai 1988. Réalisation Anne-Pascale Desvignes, coordination Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant un an sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Stéphane Hessel avec Bernard Pingot. Thank you. France Culture, un été d'écrivain, deuxième partie. Le temps de la lecture avec Franz Hessel, le feuilleton d'un flâneur, réalisé par Étienne Vallès. Nous vous proposons d'entendre en nouvelle diffusion 5 des 10 épisodes du feuilleton consacré à l'écrivain allemand Franz Hessel, père de Stefan Hessel, par Bruno Takens. Franz Hessel, le feuilleton d'un flâneur, par Bruno Takens. Cinquième épisode. Aujourd'hui, l'amour de la nuit ou l'art de la flânerie véritable. Avec Olivier Clavery, Bruno Takens, Fanny Touron, Nicolas Racca et la voix de Maxime Dambrun. L'amour de la nuit ou l'art de la flânerie véritable. Lettre imaginaire de Bruno Takens à Franz Hessel. Cher monsieur Hessel, votre nom n'est malheureusement pas encore suffisamment connu du grand public, et le cercle de vos lecteurs est encore trop restreint. Mais paradoxalement, vous êtes un mythe. Après le livre d'Henri-Pierre Rocher, Jules et Jim, c'est le film de François Truffaut qui vous a transformé en légende, Franz Hessel devenu Jules pour l'éternité. Plus que vos propres œuvres, ce sont vos vies qui vont produire l'œuvre décisive, l'une des rares mythologies modernes du cinéma français. Jules et Jim incarnent l'incandescence de la nouvelle vague et racontent comment la France devient moderne. L'un des films les plus célèbres de notre imaginaire collectif, qui a dessiné le paysage de ce qui allait devenir mai 68, avec son cortège de libération, transformation, émancipation d'une jeunesse qui ne supportait plus le carcan d'une société oppressante et corsetée. À regarder votre vie, puisque ce film en provient de part en part, on se dit que vous avez vécu à l'air pur, en dehors des chemins balisés, précurseur et pionnier dans ces années 20 qui n'avaient encore rien défriché. L'amour y est, sans concession, remis en liberté. Avec Hélène, vous avez assumé toutes les conséquences de cette liberté brute. Vous avez engagé en l'incarnant dans votre propre vie une véritable révolution dans le monde de la famille, noyau dur de la société capitaliste. Vous avez osé dire que l'amour n'est pas toujours unique, qu'il est pluriel, ou du moins divers, qu'il est impossible de sceller sa vie dans la vie d'un seul être. Mais ce que le film ne dit pas vraiment, c'est le lien profond et souterrain qui vous unissait à votre femme. Ce rôle de sage qui conseille, adoucit et apaise. Hélène n'aurait pas pu vivre sans ce calme que vous lui apportiez. C'est le secret de tous les grands guerriers, de tous ceux qui traversent la vie sans concession, sans limite, sans négocier quoi que ce soit de l'essentiel, récusant toute existence prétendument normale, sachant que la norme devient vite un véritable poison pour les vivants véritables. Votre vie romanesque, comme le dit l'expression populaire, le peuple aime les vies construites en roman comme il adorait la vie des dieux que développaient les épopées antiques, n'a rien d'une existence normale, plutôt une véritable survie, au sens littéral du mot, une vie supérieure, qui ne peut se développer que dans l'air pur des sentiments radicaux et sans concession. Hélène en est sans conteste le personnage principal, même si c'est vous qui êtes le véritable pivot du triangle, celui qui fait tenir les deux autres. La vie en dit plus que sa légende. L'incandescente fragilité d'Hélène ne doit pas faire oublier votre propre voyage, qui n'est pas moins singulier. Car votre amour des femmes, votre amour au pluriel, existait bien avant qu'Hélène n'entre dans votre vie. Des années durant, vous l'avez exploré avec Henri-Pierre Rocher, le complice, l'acolyte, le frère, l'ami véritable. Avec lui, dans les cafés, les restaurants, les dancing, vous avez passé des nuits à parler, rêver à voix haute, enseigner vos langues et vos cultures respectives. Vous vous êtes lu vos poèmes, vous les avez traduits ensemble, vers à vers, vous avez conversé jusqu'à l'épuisement, lentement, intensément, jusqu'au bout de la nuit, et votre couple, bien sûr, a très vite fait jaser les habitués du Paris noctambule. Comment aurait-il pu comprendre ce qui se jouait entre vous? Comment aurait-il pu nommer cet amour paradoxal qui ne connaissait pas encore son nom, celui que Jules et Jim allaient fournir? pour l'éternité. Car l'enjeu central, le cœur de votre amitié concerne les femmes, l'amour des femmes, l'amour partagé, partageable de femmes qui ont su vous aimer tous deux, ensemble. Une situation inédite, paradoxale, utopique, diront certains, mais bien réelle. Cette décision inédite et courageuse doit se faire comprendre pour ce qu'elle est, une forme nouvelle qui ne peut s'appréhender dans les termes de la logique ancienne. Impossible donc de se contenter de formules comme « amour à trois », « trio », « relation polygame inversée ». Rien ne parvient à dire avec exactitude ce qui se joue dans votre histoire commune. En faisant exploser le cadre bourgeois, vous vous exposez à des relations inédites qui ne rentrent précisément dans aucun cadre, puisqu'elles n'existent qu'à en sortir radicalement. Dans ce schéma réinventé, rien n'est assuré. Tout est incroyablement fragile, comme Rocher le note dans ses carnets. C'est donc bien précaire, nous. Cela peut finir n'importe quand. Doute douloureux. Et deux lignes plus bas, cette interrogation qui renverse tout. Cette douleur a-t-elle été nécessaire à préparer la splendide nuit qui suivit? Il faut dire que ce n'était pas la première fois. Souvent, vous aviez ouvert votre lit à une femme en même temps que Pierre. Marie Laurencin, Louise Bucking et bien d'autres. Une histoire qui renverse tout, y compris nos préjugés et notre morale atavique, qui fait voler en éclats la logique de l'amant conquérant qui ravit sa proie au mari dépossédé. Vous êtes le seul signataire de cette dépossession, vécue comme un geste d'amour véritable. C'est vous qui avez accordé cette liberté à Hélène, cadeau d'amour qui vous place dans cette calme position du sage, désintéressé et bienveillant. Je vous salue avec toute ma gratitude pour cette vie singulière et sage qui continue à nous éclairer. Bruno Tackels. Français seul, des amants et de leurs erreurs. Extrait. Au mois de mars de la triste année 1919. Berlin. Une salle de bal comble. Soudain, à minuit, une panne d'électricité. On crie, on se bouscule. Lise et Margot se retrouvent à la lueur des briquets de leurs cavaliers. Margot les entraîne vers une des longues tables où l'on sert les buveurs. On y pestait contre le champagne, trop cher, et qui avait le goût de sirop. Ne valait-il pas mieux aller au club de jeu, où il en existait encore du vrai, ou dans une certaine boîte de nuit, où les habitués entrent en passant par l'escalier de derrière, couvert de paille, et la cuisine. Anselme remarqua un type chauve, à la figure bouffie, qui serrait Lise de près, et, de ses doigts tremblants, cherchait à toucher ses chausses. Là-dessus, une fille joufflue posa son bras tout dégoulinant de sueur sur son épaule. Alors Anselme lança un regard suppliant à Margot, à qui un type à lorgnon et à raie au milieu était en train de chuchoter « On va s'amuser comme des bêtes ». Margot, écœurée, sursauta. Lise et Anselme se précipitèrent vers elle. « Venez avec nous, nous irons chez moi », ordonna Margot. Alors accourut le petit professeur d'enseignement artistique qu'on appelait au sein de son cercle d'amis « d'aperduto », parce qu'on avait l'impression qu'il surgissait partout à la fois au même moment. Une créature gracieuse et légère était suspendue à la manche richement brodée de son habit chinois. Elle portait une jaquette brillante aux épaules largement soutenues par une armature de fer, un pantalon bouffant et des jambières. « Je suis heureux, mes charmantes amies, » dit le petit professeur avec un accent qui gardait quelque chose de viennois, « de vous présenter ma toute dernière amie et d'avoir à vous prier de bien vouloir lui donner un nom. »« Comment vous appelez-vous ? » demanda froidement Margot. « Cette question, je viens de la lui poser en vain, » dit d'Apertuto. Elle m'a répondu que son nom n'était pas beau, sur le ton où la ravissante Jessica dans Le Marchand de Venise déclare « La musique sucrée n'a pas le pouvoir de m'égayer. Il nous faut donc la rebaptiser. » Notre poète a peut-être quelques compétences pour cela. » Anselme s'approcha timidement et demanda à l'étrangère « Vous gardez peut-être un secret, chère madame ? Le matin doit pouvoir ignorer combien, la veille, vous étiez belle. » La gracieuse créature ouvrit tout grand ses yeux d'un bleu pâle et répondit « De toute façon, je serai moins belle le matin, surtout ce matin. C'est aujourd'hui vendredi, un jour affreux pour moi. Alors peut-être faut-il qu'on vous appelle Mélusine ? Cette femme disparaissait le vendredi parce qu'il lui poussait une queue de poisson et qu'il lui fallait plonger dans son élément. » Ce nom plut à tous. Seul Margot le trouva trop long. À cet instant, la lampe à acétylène la plus proche s'éteignit avec un sifflement désagréable. Et au même moment, une querelle éclata au sein de l'orchestre. Un Indien et un Turc s'avançaient l'un vers l'autre avec des mines de chevaliers désarmés. À l'autre extrémité de la pièce, une porte s'ouvrit brusquement. Un courant d'air froid entra. Alors d'Apertuto dit « Je crois que nous en avons assez de ce carnaval raté de la mi-carême. À la maison, j'ai encore une bouteille de liqueur et un peu de vin. Nous allons nous préparer un punch mélancolique et nous oublierons cette triste époque. » « Vous êtes le meilleur et le plus sensé !» s'écria Margot. Et elle embrassa le petit professeur. Lise et Mélusine en firent autant. Quant à lui, il veillait à ce que ses embrassades ne restassent pas des embrassades de théâtre. Dans la rue, il faisait nuit noire. Seules les lumières des voitures particulières, qui remplaçaient les tramways en grève, brillaient faiblement à travers la nuit pluvieuse. Au passage du pont sur le canal, le manteau de Lise resta accroché au fil de fer barbelé. Un aimable soldat éclaira le groupe avec sa lampe électrique et les aida à franchir le pont. Et de là, on n'avait plus une grande distance à parcourir pour arriver à la porte de D'Apertuto. Grâce à la stéarine qui fondait goutte à goutte, on monta lentement l'escalier. Mais lorsqu'on arriva dans le vaste atelier, où D'Apertuto alluma aussitôt les bougies de toutes les appliques murales qui se mirent à répandre une douce et solennelle lumière moyenâgeuse, que tous furent installés sur les divans, les fauteuils et les coussins autour de la table basse des modèles, et que le petit maître eut, sur une autre table, allumé sous la bouilloire à thé la flamme du réchaud à alcool, alors un sentiment de bien-être envahit peu à peu ces trois hommes et ces trois femmes. Lorsqu'ensuite, D'Apertuto eut posé le punch fumant sur la table, rempli les verres, levé le sien à la santé de ses hôtes, Lise dit « Voilà que nous commençons à être heureux. Pour le rester sans sombrer totalement dans la léthargie et ne pas avoir à être réveillé en sursaut au cours de cette nuit de rêve par des conversations trop spirituelles, je propose que nous nous racontions des histoires. Des histoires tristes qui soient agréables à entendre. » Oui, ajouta D'Apertuto, des histoires tristes qui puissent nous rendre gais. » C'est étrange, dit Ulrich, de voir que les plus aimants ne trouvent pas de partenaire à la mesure de leur amour. Ce sont les plus nantis qui renoncent aux bienfaits de l'existence. Margot, vous l'avez connu, vous aussi, ce garçon qui a mis fin si jeune à ses jours. Pour la plupart des gens, c'était un original, un être maniéré. Mais quiconque avait assez de sensibilité était en mesure de voir, parfois, comme une auréole sur sa tête, ou de percevoir dans sa voix quelque chose comme le sermon sur la pénitence ou l'association. Vous pensez à Eric Werner ? Dit doucement Margot. Il était comme je me représente les martyrs. Non, comme je me représente un dieu de douleur. Il ne savait pas aimer comme un être humain. Ne parlons pas de lui. Mais si, parlez-nous de ce saint homme, dit d'Apertuto. Si toutefois vous avez quelque chose d'amusant à nous raconter sur lui, surtout rien de sublime, nous ne le supporterions pas. Margot. Oui. Il y a des choses drôles à dire à son sujet. Il ne manquait pas d'esprit. Si on ne le connaissait que de façon superficielle, on pouvait penser qu'il manquait de ce qu'on appelle la vraie chaleur. Comme le diable, dont les sorcières d'autrefois disaient que sa brûlante étreinte s'achevait en un frisson glacé. Ma première impression, lorsque je fis sa connaissance, je n'avais pas encore 20 ans, fut dictée par la curiosité pour ce visage maigre, mobile, ce front immense, bordé de cheveux roux. Je fus assez désinvolte avec lui. Mais il m'a alors donné une leçon que je n'oublierai pas. C'était à Paris. Nous étions au Grand Guignol. Ce bâtiment en bois aux couleurs multiples et de style faussement gothique où sont représentées de si délicieuses pièces à sensation. J'avoue que ce type de spectacle m'émeut autant que certains films ou romans sentimentaux. La vue de la guillotine m'effrayait peut-être plus qu'une exécution véritable. Et les victimes de la mort blanche dans un spectacle indien me touchaient plus directement qu'une scène réelle dans un hôpital. Je fis part de ce sentiment à mon compagnon qui me dit « Ce n'est pas notre faute si nous devons pleurer au cinéma et rester les yeux secs devant les choses tristes de la vie. » Pour finir, il y eut la petite maison d'Auteuil, avec pour personnage principal une fille pauvre de banlieue qui fait la putain. Elle emmène un monsieur amateur de plaisirs cruels et le livre à son ami qui est plus cruel encore. Lorsque le rideau tombe, je dis à Werner « Pourquoi y a-t-il des êtres qui se comportent comme des bêtes traquées, s'humilient dans l'ombre et s'obligent à se tenir aux aguets dans des quartiers mal famés au lieu d'aller tranquillement au marché de l'amour qui est largement ouvert à tous ? N'est-ce pas d'un romantisme désuet ?» Alors il me regarda. Il avait les lèvres pincées, les traits tirés. Sa tête avait quelque chose de l'oiseau. Et il me dit après un instant de silence « Savez-vous, Margot, ce qui m'empêche toujours de vous déclarer mon amour ? C'est que vous ne vous trouvez pas dans un de ces lieux où je souhaiterais vous trouver. Car maintenant, je sais où je vous ai vu un jour. C'était dans la pire ruelle du vieux port à Marseille. Là-bas, vous étiez une délicieuse créature, jetant autour d'elle un regard sévère, examinant chacun et ne parlant à personne. À votre droite et à votre gauche, dans des chambres aux portes entrouvertes, devant des lits à baldaquins multicolores, les femmes faisaient des signes et, dans toutes les langues, appelaient les marins et les bourgeois. Jolly, come in, viens, mon Jésus, hé, hey, landsman, venga, venga. Mais vous, sérieuse, vous étiez assise sur le pas de votre porte et vous regardiez sans bouger. Pourquoi, demandai-je, ne vous êtes-vous pas adressée à elle ? Je ne sais pas, je ne sais toujours pas, répondit-il. Peut-être n'en avais-je pas encore la force, ou alors j'avais trop peur. En tout cas, ce que j'avais alors refoulé ressurgit aujourd'hui comme une punition. Aujourd'hui, il me faut rougir devant vous de n'avoir pas osé m'adresser à la fille que vous étiez. Je m'indignais. En quoi, dis-je, suis-je plus indigne que cette fille ? Comme mon père est assez généreux pour m'envoyer l'argent nécessaire pour faire des études où je veux, à Paris ou ailleurs, je n'ai pas besoin de m'adresser à d'autres gens pour en avoir. Vous savez cependant que je ne me satisfais pas de cette sécurité, que dans ma vie et mes fréquentations, je n'obéis qu'à mon sentiment ou ma passion. Me croyez-vous lâche ? Il sourit et dit « Non, ma petite héroïne, mais votre désespoir n'est pas très grand. Je sais que vous n'avez pas l'esprit bourgeois, que vous n'êtes pas comme ces prudentes candidates au mariage ou ces demi-mondaines qui réussissent à se créer des situations à travers les bonnes relations qu'elles entretiennent avec tout un tas de messieurs fortunés, qui se montrent distingués quand ce n'est pas le contraire qui leur est demandé et s'habillent de façon encore plus décente que les femmes du monde. Je sais que vous êtes à 100 coudées de leur lâche conception de la fidélité, que vous surveillez attentivement vos humeurs, vos désirs. Je vous range parmi les hardis pirates. Mais vous avez du goût, et aussi du dégoût. Que savez-vous, que savons-nous de cette foire bariolée, misérable, de la prostitution ? Nous n'avons pas encore suffisamment scruté ces visages ravagés, pâles, fardés, où le regard semble constamment implorer la mort. Savez-vous que l'antique déesse des putains était aussi la déesse de la mort ? Il faudrait descendre jusque dans ses profondeurs pour apprendre et souffrir avec ces êtres-là. Il faudrait être assez courageux pour se coucher auprès de la créature la plus malade et en faire un être pur et immaculé. À quoi bon la prévoyance et l'hygiène ? Seul le bonheur peut guérir. Il nous faut changer. Tout changer. Faire des miracles. Mais vos affaires de cœur, qu'elles soient doucereuses ou passionnées, je ne peux rien en apprendre. Il m'est impossible de jouir d'une idylle faite de plaisirs raffinés où l'esprit et la grâce aident à surmonter les dangers qui naissent de la confusion, tout en mettant à l'écart la dure réalité du sexe. Même l'amour-passion, avec ses alternances de jalousie, de haine, de sacrifice, et aussi sa fameuse cristallisation, débouche sur de l'inauthentique et procure heur et malheur à l'individu. Je me refuse à reconnaître l'être individuel, particulier, pour ne considérer que le sexe. Constatant mon étonnement, il ajouta avec une nuance de mélancolie dans la voix. Afin de ne pas vous entraîner là où je ne puis moi-même être un guide, je vous fais part immédiatement de mes doutes. Peut-être que tout ce que je viens de vous dire n'est-il que le rêve d'un être faible, d'un mourant. Peut-être suis-je l'enfant d'une époque qui ne s'agite que sur ses extrémités, parce que le milieu serait le mouroir de la raison. Alors puisse mon renoncement vous enseigner à jouir, vous qui êtes florissante, en pleine santé. C'était Franz Hessel, Le feuilleton d'un flâneur, par Bruno Tackels. 5e épisode. Aujourd'hui, L'amour de la nuit ou l'art de la flânerie véritable. Avec Olivier Claverie, Bruno Tackels, Fanny Touron, Nicolas Racca et la voix de Maxime Dombrin. Assistance technique et montage, Pierre Henry. Prise de son et mixage, Éric Boisset. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Étienne Vallès. Les amants et de leurs erreurs, de Franz Hessel, traduction Jean Ruffet, est publié aux éditions du Seuil. Thank you. C'était Un été d'écrivain, des entretiens, des lectures. Toute cette semaine, Stéphane Hessel et Franz Hessel. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et tout de suite, nous retrouvons la chronique de Christophe André, 3 minutes à méditer.